De loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Quand la route est longue, mon cœur chante en moi. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. Et mes pas s'allongent, j'ai le cœur en joie. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. Je vois soudain s'aplanir le chemin. Et je reprends plus fort mon refrain. Quand la route est longue, mon cœur chante en moi. Oui, Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Quand vient une épreuve, je regarde à Jésus, car Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. Jésus veut la preuve de ma foi absolue, car Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. Je vois soudain s'aplanir le chemin. Et je reprends plus fort mon refrain. Quand vient une épreuve, je regarde à Jésus, car Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Si parfois je tombe, il est mon secours, car Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. Il me pardonne et me remet debout, car Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime. Je vois soudain s'aplanir le chemin et je reprends plus fort mon refrain. Si parfois je tombe, il est mon secours, car Jésus m'aime. Oui, Jésus m'aime.